Oh, dans l'esprit de l'homme où tout vacille et fuit, où le verbe n'a pas un mot qui ne bégaie, où l'aurore apparaît, hélas, comme une plaie, dans cet esprit, tremblant dès qu'il ose augurer, oh, comment concevoir, comment se figurer cette vibration communiquée aux tombes, cette sommation au blême catacombe du ciel ouvrant sa porte et du gouffre ayant fin, le prodigieux bruit de Dieu disant, enfin! Oui, c'est vrai. C'est du moins jusque-là que l'œil plonge. C'est l'avenir, du moins tel qu'on le voit en songe. Quand le monde atteindra son but, quand les instants, les jours, les mois, les ans auront rempli le temps, quand tombera du ciel l'heure immense et nocturne, cette goutte qui doit faire déborder l'urne, alors, dans le silence horrible, un rayon blanc, long, pâle, glissera, formidable et tremblant, sur ces haltes de nuit qu'on nomme cimetière. Les tentes frémiront, quoiqu'elles soient de pierre, dans tous ces sombres camps endormis, et sortant tout à coup de la brume où l'univers attend, se clairont, au-dessus des êtres et des choses, au-dessus des forfaits et des apothéoses, des ombres et des eaux, des esprits et des corps, sonnera la diane effrayante des morts.